mardi 12 novembre, il est 17h30, vous écoutez l'aérospatiale avec Gilles Gagné. Aujourd'hui, dans notre émission, comme à l'habitude consacrée à l'univers des arts visuels, on rencontre Michel Guimond qui viendra nous parler de son exposition Pierre Gauvreau, également des correspondances avec Gauvreau qu'il a faites avec les œuvres de Dan Brault et José Landry-Sirois. Dominique Savoie est allée faire un tour à Materia, voir l'exposition à toute maille du projet 2040, dont le commissariat est effectué par Carole Bayargent. Bernard Lamarche, conservateur de l'art actuel du Musée national des beaux-arts du Québec, viendra nous parler de la toute nouvelle exposition Les matins infidèles, l'art du protocole, qui est présenté au musée. Raymond Poirier viendra nous faire sa revue de presse et bien entendu, le tout est ponctué des sélections audio de Simon Roy. Bonjour! Bonjour! Simon, qu'est-ce qu'on se met en oreille cette semaine? C'est un truc qui nous vient de la Russie cette semaine. L'artiste s'appelle Réhir. C'est son album Membrane. C'est tout frais. Je crois que c'est sorti au mois d'octobre. C'est son premier album. Donc, j'ai vraiment hâte de voir l'évolution de la carrière de cet artiste-là. C'est sur l'étiquette Southern Cities Lab. C'est un peu bizarre, ça. D'habitude, c'est une étiquette qui se spécialise plus dans le punk, mais ils couvrent toutes sortes de genres, mais de ce style-là en particulier, musique d'art audio, c'est plutôt rare pour cette étiquette-là. C'est donc un collage sonore de musique concrète. Ça peut rappeler des ambiances de rêve et ou cauchemar, dépendamment d'où est-ce qu'on est rendu dans les pièces. Ça me fait penser un peu, je dis ça souvent, mais ça me fait penser un peu à une trame sonore d'un film imaginaire. Donc, c'est vraiment chargé. Il y a plein d'ambiances vraiment intéressantes. Je pense que c'est un album qu'il faut s'asseoir puis écouter de façon concentrée. Il y a vraiment plein de trucs. J'adore vraiment son album. Voilà. Ben Simon, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Donc, on écoute Simon à Web Musique dimanche à 20h. Puis en attendant, on écoute un extrait de la pièce Design Expectation sur les ondes de CKRL. Là, j'accueille à l'instant Raymond Poirier. Bonjour. Bonjour, Julie. Ça va bien? Toujours. Et qu'est-ce qui se passe dans l'univers des arts visuels? Ben, notamment, je suis tombé sur le rapport du groupe de travail sur l'avenir du réseau muséal québécois, un rapport qui a été rendu public à la fin du mois d'octobre, début du mois de novembre. Et ça suivait une démarche, enfin une réflexion, à savoir où placer les politiques publiques en matière d'institutions muséales. Donc, c'est quand même assez politique comme élément de, recommandation. De manière générale, ce qu'on propose dans ce rapport-là, c'est de créer une loi générale sur les établissements muséaux. Donc une loi qui engloberait différentes thématiques en fait sur le développement durable, patrimoine culturel, un comité interministériel aussi qui viserait dans le fond à faire une stratégie conjointe un peu tous les intervenants qui touchent de près ou de loin au musée, ben de les amener, de les forcer à travailler ensemble de concert vers un même objectif. À ça également, ben on essaierait de définir un peu mieux là, ce qu'est une institution muséale. Donc est-ce que c'est quelque chose de plus englobant, est-ce que c'est quelque chose de plus spécifique? Et également, mais ça deviendrait donc une responsabilité gouvernementale également à travers une loi comme ça. Avec ça, on ajouterait donc la notion de label de qualité. Donc, est-ce que les musées sont d'intérêt public? Si oui, pourquoi? Qu'est-ce que ça implique, évidemment? Et de ça, mais d'assurer aussi des processus d'agrément peut-être un peu plus serrés envers certaines institutions muséales également. Et à ça, ben également donc des notions de gestion. Donc, comment s'assurer que les musées répondent bien aux demandes de la société? Comment bonifier le financement public, comment bonifier le financement privé, donc d'avoir dans le fond des gens et des ressources qui planchent, qui réfléchissent à ces activités-là. Ça, dans un objectif de renforcer, d'actualiser, de consolider l'ensemble muséal québécois. On veut notamment aussi recentrer et confirmer les missions des musées nationaux, donc et du Musée des Beaux-Arts de Montréal également. On veut essayer de regrouper les collections et du moins la gestion des collections des trois musées nationaux, donc pour en faire une grande collection nationale. Et à ça, on veut essayer aussi d'identifier des musées dans les différentes régions qui serviraient de musées ressources, entre guillemets, donc pour offrir des services muséologiques aux établissements de leur région et à accompagner ces éléments-là avec justement des chantiers nationaux sur différentes thématiques, les sciences, la technique, les technologies, l'archéologie, le religieux, etc., etc. Et enfin, on propose aussi de repenser et d'accroître ou trouver des manières d'accroître le financement également là, donc de bonifier, de repenser notamment le système de financement des musées et autres éléments. Donc un rapport quand même assez détaillé, au-dessus de 150 pages, et on le trouve évidemment, Philippe Herlien, direct sur l'aérospatiale.wordpress.com. Sinon, des nouvelles économiques, beaucoup de nouvelles du marché de l'art. Faut dire qu'il était très actif en ce, j'ai presque envie de dire début d'hiver ou fin d'automne. Ouais, c'est ça. Hein? On en avait parlé un peu la semaine dernière, les grosses enchères qui se préparaient du côté de New York. Un bilan presque mi-figue, mi-raisin, j'ai envie de dire, dans la mesure où je suis tombé sur des notules de presse qui disaient que le mardi, il y avait eu un accueil plutôt mitigé. Donc, des ventes qui sont certes intéressantes, mais qui atteignent pas nécessairement les objectifs ou qui viennent pas dépasser des records. Parallèlement, quand on va voir les ventes du mercredi, notamment ceux de Sotheby's, eh bien là, on parle justement de records carrément pour des œuvres impressionnistes, donc de Picasso, Monet, Giacometti, notamment là, 290 millions de dollars de ventes. C'est ce qui était quand même déjà un peu espéré. Là, on parlait de valeur d'à peu près 200 millions en valeur évaluée là, des œuvres. Donc, quand même une performance assez intéressante de ce côté-là. Et évidemment, tout ça se poursuit dans la mesure où il y a aussi les ventes canadiennes qui ont commencé à être annoncées. Là, c'est la maison Eiffel qui a annoncé une cuvée de choix à 7 Riopelle qui vont être vendues, dont deux rarissimes, nous dit-on, des œuvres d'Emily Carr, de Tom Thompson également. D'ailleurs, c'est assez rare qu'il y a des tableaux de Tom Thompson qui sont vendus, ouais, sur le marché des enchères. Donc, on dit que c'est effectivement une très belle sélection d'art canadien, des pièces qui ont jamais été vues sur le marché à travers tout ça. Et ben en fait, ce qu'on s'attendrait, ce serait The Crazy Stair, de That Crooked Staircase d'Emily Carr, qui devrait être vendu au plus haut montant, là, à peu près 1,2-1,6 million, du moins c'est la valeur donnée pour l'œuvre. Aïe! Quand même. Sinon, on revient aussi sur Art Toronto. Donc on essaie toujours, c'est toujours un peu complexe d'évaluer quelle quantité de ventes ont été effectuées au fil de cette foire de l'art actuelle. On parle l'an dernier d'à peu près 15 millions de dollars. Cette année, on a vraiment difficulté d'en fond arriver avec un point global. Ce qu'on sait, c'est que ça a de manière générale assez bien marché là, des œuvres qui ont été vendues quand même assez à des prix assez élevés ou qui ont dépassé aussi les attentes, mais de manière générale, ce qu'on dit, c'est regardez, on n'a aucune idée précisément de combien a été vendu, mais par contre, ce qu'on sait, c'est qu'il y a beaucoup de ventes qui ont été faites. Du moins, c'est ce qu'on retrouve dans Canadian Art. Et en terminant, Raymond? Et en terminant, un record battu à Biennale de Venise, qui se poursuit d'ailleurs, en fait, jusqu'au 24 novembre, mais à date, on parle de 400 000 visiteurs, donc un record de fréquentation qui a été atteint samedi dernier, avec donc 7331 entrées dans une seule journée. Donc, vraiment, on dépasse de loin les attentes de ce côté-là, et évidemment, ça donne un bon espoir à la Biennale de poursuivre ses activités, de continuer son expansion. Évidemment, dans un écosystème où il y a de plus en plus de foires et d'événements liés aux arts visuels qui sont présentés là, du côté de l'Europe. Raymond Poirier, merci beaucoup. Ça fait plaisir. On trouve les liens pour la revue de presse, l'émission en balado-diffusion, les téléchargements des pièces de Simon Roy sur l'aérospatiale.wordpress.com. Raymond, qu'est-ce qui vient à la vie en BD vendredi? La renaissance de Mécanique générale. Voilà, donc c'est à ne pas manquer à 17h30 vendredi. On s'en va en pause et au retour, on discute avec Bernard Lamarche. On a entendu un extrait de la pièce Life in a Hole de Reyer, un artiste russe. C'est tiré de l'album Membrane. Et voilà, en fin de semaine, je suis allée faire un tour au Musée national des beaux-arts du Québec, voir la toute nouvelle exposition en art actuel, Les matins infidèles, l'art du protocole. Et pour en parler avec nous, le conservateur de l'art actuel et commissaire de l'exposition, Bernard Lamarche. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Très bien, merci. L'exposition, ma question de base, donc, qu'est-ce qui est un peu à l'origine de ce projet-là, de cet angle-là d'exposition? Ben, disons que c'est une question qui me taraude, qui me travaille depuis assez longtemps. Ça remonte même à mes années d'études au bac. Okay. Parce que j'avais travaillé pour un artiste, j'avais été engagé pour surveiller son exposition. Puis, à un moment donné, quelqu'un était passé, il avait posé la question, est-ce qu'il y a un système derrière ces œuvres-là? Et à l'époque, j'étais jeune étudiant en histoire de l'art, je m'intéressais plus à l'art ancien ou à la Renaissance. Et puis, ça m'a aligné différemment, disons. La question m'est restée. Puis, ça m'est arrivé souvent de me poser la question devant des œuvres d'art. Et puis, à un moment donné, je me suis dit, ben, tiens, à force d'en voir, ben tranquillement, il y a quelque chose comme une liste qui s'est construite. Et puis, et au final, une expo aussi. Donc, voilà, ça fait quand même un petit moment que ça me travaille. Mais pour l'expo comme telle et la recherche, disons, spécifique pour cette expo-là, ça fait peut-être un an et demi, disons. OK, puis vous dites, une liste s'est constituée, là, dans l'exposition, il y a 14 artistes. parfois plusieurs œuvres aussi de ces artistes-là. Oui. Comment vous en êtes venu vraiment à mettre l'accent ou à choisir ceux-là spécifiquement ou ces œuvres-là également? Oui, mais il faut dire que j'avais un cadre théorique, le mot est peut-être fort, mais j'avais un cadre de travail. L'expo s'intitule « Les matins infidèles », on va revenir là-dessus. Oui, là. Oui, mais donc c'est ça qui m'a permis de cadrer, c'est-à-dire que dans le film, il y a un système, mais un système dans lequel on prend des libertés. Et c'est ça qui m'intéressait, c'est-à-dire que j'aurais pu essayer de faire une exposition avec des systèmes fermés au sens strict du terme. On va expliquer un peu ce que ça veut dire tantôt. Mais et puis là, avec ce titre-là, Les matins infidèles, ça le dit, dans quelque chose dont on peut se libérer, on peut prendre des libertés face à ça, on peut trahir le système, on peut l'amener ailleurs. Disons que ça ouvrait beaucoup de portes. Et puis dans le catalogue de l'exposition, je compare Les matins infidèles avec un autre film où il y a un autre système. Dans les deux films, il y a un photographe. Mais le film Smoke, je crois, de Wayne Wang. C'est ça, dans lequel Harvey Keitel joue un personnage qui, lui, prend une photo de sa tabagie ou son commerce, enfin, à tous les matins avant d'ouvrir. Okay. Donc, à tous les matins, il prend une photo. Il se dit même prisonnier de l'affaire. Et je pense qu'il dit, je suis rendu à 4500 ou 4600 images en ligne, de suite. Donc, ça veut dire 4600 jours. Ah ouais. Donc, lui, il prisonnier son système, tandis que dans Les matins infidèles, on a aussi un photographe qui prend une photo. Parce que peut-être on pourra en parler spécifiquement des matins infidèles. Oui. On le cite, c'est un film de Jean Baudry et de François Bouvier. Tout à fait. Qui relate, dans le fond, l'histoire d'un écrivain en mal d'inspiration et son ami dit, je vais prendre une photo à chaque matin du même coin de rue, mais bon, il est pas toujours... Et à la même heure. À la même heure, c'est ça. Puis là, il est pas toujours nécessairement fidèle. Il n'est pas tout à fait son affaire, effectivement, parce que, ça prend le clos un peu, son système, son affaire, parce que je pense que le matin, il se lève pas ou se lève en retard, puis il y a une horloge dans le cadrage de l'image qui prend, et puis il va tricher même avec l'heure, il ramène l'heure à l'heure prévue, puis après il la rechange. Et donc, d'ailleurs, l'affiche du film, c'est un photographe qui se sauve avec une horloge, parce qu'à un moment donné, il finit par tout simplement l'enlever. Donc là, on prend des libertés, c'est-à-dire, on triche le système, mais il y a aussi cette idée qu'une fois que le système, admettons que le système se soit rendu jusqu'au bout, c'est-à-dire 365 images prises au même coin de rue à la même heure pendant une année, et il y avait une ouverture qui était le travail de l'écrivain. Mm-hmm. Et ce travail-là, c'est là que ça fait la démonstration que le système est pas fermé, qu'il est pas fini, même si les 365 images sont réalisées. Puis dans l'expo, je pense que les œuvres font en sorte qu'on a le goût de continuer à réfléchir sur le système, à aller plus loin que le système, et d'abord aller déduire ces systèmes-là, puis après ça, on continue à s'amuser avec. Oui, parce que là, vous parlez de système. Oui. C'est l'art du protocole également, parce que toutes les œuvres qui sont présentées dans l'exposition respectent justement une manière de faire, un ordre, un système, justement, un protocole. Ça semble parfois un peu, vous dites, ouvert ou fermé, ça semble parfois un peu contraignant quand même là de travailler en fonction de ça. Peut-être pas en fonction, parce que j'imagine À partir de ça, c'est ça. Effectivement, donc tous les artistes qui sont là se sont créés un système, se sont imposés des contraintes, se sont limités eux-mêmes, se sont astreints en fait à un protocole, des contraintes, un système qu'ils ont créé eux-mêmes. Donc la beauté de la chose, c'est ça. Puis ensuite, une fois qu'ils ont appliqué les paramètres de ce protocole-là, en science, on le fait, au final, il y a une œuvre. Et donc oui, ils se contraignent, ils se limitent, mais forcément, l'œuvre, par sa matière, sa manière d'être présentée, etc., etc., finit par dépasser tout ça. Et donc, c'est une manière de créer, c'est comme une méthode, en fait, de création, mais qui amène bien au-delà et bien ailleurs. Et je pense que c'est là qu'est le plaisir, pour les artistes, sûrement. Il n'y a pas juste des contraintes, quoi qu'il y ait des œuvres là-dedans, dans cette exposition-là, qui ont pris un temps fou à faire. Et là, c'est vraiment, ça se traîne au même geste répétitif. Tu vas en nommer, justement, quelques-unes, en présenter. Il y a Sam Kinsley, qui est une jeune artiste d'Halifax, sur 40 mètres de papier, c'est un rouleau de papier. Hey, on n'imagine même pas 40 mètres là, de papier, comment ça peut être long. Là. C'est ça. Et donc, c'est une déferlante, là, une espèce de déferlante de papier. Donc, elle a perforé le papier avec une aiguille. Le nombre de fois qui correspond à sa dette d'études quand elle est sortie de l'université en arts visuels. Scène noire. Puis là, c'est assez fascinant parce que d'abord, des scènes noires, il n'y en a plus. Il y en avait encore quand elle a fait la pièce, mais ça fait pas si longtemps, ça fait 3-4 ans. Les scènes noires, pour nous, il n'y en a plus, donc il y a un intérêt là. Mais elle a transformé une valeur numérique, une dette, en une sculpture qui n'a pas de début, qui n'a pas de fin, qui n'a pas de forme comme telle. C'est vraiment du papier plus ou moins fluide sur le sol. Et donc, elle est partie d'une valeur numérique précise à une espèce de nébuleuse qui correspond à la même valeur. C'est ça qui est intéressant. Quoi d'autre? Mais on peut penser à Robin Dayo avec le spirographe aussi. Qui a quand même épuisé, faut le faire, faut le dire. Faut d'abord le faire et ensuite on peut le dire. Ça. Les 9805 possibilités, les 7905, les 7905 possibilités du super spirographe. Ces espèces de petits engrenages de plastique qu'on avait quand on était petit. Avec le crayon. D'ailleurs, là, j'ai essayé d'en faire récemment. C'est pas si simple que ça. Je pense qu'on était meilleur quand on était petit. Mais elle les a toutes faites. Elle a fait une sculpture et deux vidéos à partir de ça. Et d'ailleurs, on voit la pile des 7905 dessins. C'est haut, là. Ça fait quasiment un mètre, ou à peu près. Ouais. Donc, c'est impressionnant. Puis après ça, il y a deux vidéos, de ce qu'on appelle des stop motion, là, donc des animations qu'elle a fait à partir de ça. C'est fascinant, c'est beau à voir. Mais il a fallu quand même que ça se traîne à cette difficulté-là, c'est-à-dire de faire les dessins un par un à partir de tous les engrenages du spirographe. Il y a Germaine Coe, qui est une artiste de Vancouver, qui a commencé en 1992 donc à tricoter. Ce qui est aujourd'hui une grande vague de laine posée au sol. Et aujourd'hui, il y a 400 livres de laine. Et donc, là, il y a des bandes de couleurs, forcément, parce que chacune de ces bandes de couleurs correspond à une décision, c'est-à-dire prendre ce chandail-là ou cet autre chandail-là. Et c'est aussi le journal des apparitions publiques de l'œuvre, parce qu'elle tricote en public, d'ailleurs. Ah oui, hein? Donc, c'est vraiment tout le temps, là, qui a passé, là. C'est là, ça fait une quand image même, du temps. Ça fait tout près de 30 ans qu'elle fait ça, de fois en fois. Mais de rencontre en rencontre, et c'est ça qui est la beauté de la chose. Donc il y a quelque chose d'assez astreignant, merci. Là, on est rendu, je me souviens plus combien de mètres ça fait, mais c'est immense. Et puis 400 livres de laine, mais c'est un journal du temps qui passe. Ouais. Quoi d'autre? Il y en a qui sont moins, comment dire, qui sont, je veux pas dire pénibles, mais qui sont moins longues ou astreignantes. Oui. En fait, qu'on peut penser entre autres à Raphaël de Groot. Oui. Et son projet où elle a demandé aux sœurs, je me rappelle pas de quelle congrégation. Bon, elle a fait un projet dans un couvent. Dans un couvent, elle a travaillé stagiaire pour les sœurs, où elle travaillait avec la collection. Et puis, Monet, elle s'est dit, on a le sentiment que ces sœurs-là sont toutes un peu pareilles. Ils ont tout le même habit, tout le même accoutrement. Et puis, elle a voulu aller au-delà de ça. Et donc, elle a demandé aux sœurs de dessiner une couronne, mais à l'aveugle. Donc, là, on a les 5 ou 6 dessins. Et pendant que ces dames-là dessinaient à l'aveugle la couronne, mais Raphaël de Groot les dessinait, elle aussi, faisait leur portrait à l'aveugle. Donc, une double contrainte. Sinon, il y a Jocelyn Robert, par exemple. Oui, qu'on connaît bien ici, là, Québec. C'est ça, qui est de Québec, et c'est une pièce inédite. C'est la première fois qu'il la montre. Lui, il a travaillé avec... c'est souvent avec les ordinateurs, là, Jocelyn Robert. Mais là, ce qu'il a fait, c'est qu'il a envoyé dans Google Images une image de l'Empire State Building. Il a récupéré les 30 premières images résultantes. Ils ont relancé dans Google Images et il a, après ça, retenu les 60 suivantes. Donc, il est rendu à 1800 images qui déferlent encore là à l'écran. Mais là, il y a tout un système de présentation aussi. C'est-à-dire que de la première, on voit les 60 et on revient. La deuxième, les 60 et on revient, ainsi de suite. Et en gardant un pourcentage de l'image précédente. Donc, au final, c'est une espèce de scintillement d'image. Et tout ça sur fond de musique itérative, donc une musique répétitive. À l'image, justement, de son processus de recherche. Et qui est aussi de son cru. Donc, c'est assez simple, mais à la fois complexe, c'est-à-dire que, il lance une note, il la reprend, il en ajoute une, il reprend les deux premières, il en rajoute une troisième, et à chaque fois, ça change, le contexte change forcément, et puis au final, il y a une accumulation de notes, et c'est étonnamment beau, un peu nostalgique comme musique, et il y a un contraste là entre la lenteur du défilement des images avec le fracassement. Avec l'espèce de fracassement des images qui défilent à un rythme hyper rapide. Ça fait comme un effet de transparence aussi. Oui. Là, il y a comme une espèce de mouvement là, qui est créé. Et la vidéo dure 10 minutes. Il y a une transformation parce qu'à un moment donné, on passe de... Google Images, ça fonctionne comme ça. C'est par analogie. On passe de l'Empire State Building à New York, à plus largement des publicités autour de New York. À, et donc, on sent, on voit comment Google Images fonctionne à quelque part. Et ça, c'est fascinant. Sinon, René Lavaillante en dessin, c'est des dessins magnifiques. Mais René Lavaillante, qui maîtrise l'art du dessin comme très peu le font, mais qui, elle, s'invente des systèmes pour justement prendre des distances par rapport à cette maîtrise-là. Ouais, elle laisse entrer un peu le hasard et l'aléatoire. Par exemple, quand elle lance 10 fois 51 galets sur la feuille et qu'elle vient marquer avec un crayon l'emplacement de chacun de ces galets en changeant à chaque lancée de couleur, de tonalité de gris, ben, et là, ça vient créer des perspectives et donc une espèce de champ de différents teintes de gris. Et au final, c'est magnifique. Mais c'est le hasard qui opérait. Ouais. Et donc, c'est des cas de figure comme ça tout le long de l'exposition. Une pièce dont on est particulièrement fier parce que le musée l'a commandité d'une certaine manière. Celle de Patrick Bernatchez, c'est ça. Où lui, il a fait un peu à la Matins infidèles, c'est-à-dire qu'une nuit par mois pendant 12 mois, en 2008, je pense, il est allé prendre la photo d'un édifice qui est le Fashion Plaza à Montréal, dont on a entendu parler dans les médias récemment, parce qu'il y a toute une série d'ateliers d'artistes qui déménagent dans ce coin-là. Et donc, l'édifice, je pense, fait 12 ou 14 étages, ou j'allais dire 13, mais il n'y a pas 13 étages dans les édifices. Oh, non. Oui, c'est ça. Non, il faut pas. C'est ça. Donc, ça doit être soit 12 ou 14, mais après, bref, un peu plus de 10. Et lui, ce qui l'intéressait, c'est la fluctuation des lumières la nuit, parce que dans cet édifice-là, il y a des filatures, il y a des chats. Et donc, ça travaille toute la nuit. Et donc, pour chaque lumière allumée, sur une grille, il l'a transformée en note de musique. Et on entend aujourd'hui la musique des 12 nuits qu'il a passées dehors. En fait, c'est la musique des travailleurs, c'est la musique de l'édifice. Mm-hmm. Mais il s'est pas arrêté là. C'est-à-dire, il avait commencé ce projet-là en 2008, et la première fois qu'il a présenté ça, c'était quelques partitions, parce qu'on a aussi livré des partitions, vérifiées par des copistes, d'ailleurs. Ah ouais? Il ajoute toujours, ça a été vérifié. À l'époque, ça avait été les partitions, un iPod, des écouteurs, et on entendait la musique. Aujourd'hui, c'est une méga installation, avec deux supports à bobines de fil qui sont reliés autour d'un haut-parleur qui, lui, tourne très, très, très lentement. Et donc, les fils s'entourent autour du haut-parleur, vont former éventuellement un cocon qui va étouffer le son jusqu'à ce que le cycle recommence. C'est de toute beauté juste de voir les fils danser dans l'espace. On aura envie de s'asseoir puis de se perdre dans ces idées, juste à regarder ça. Et puis, ce qui est beau dans l'affaire, c'est que ça rappelle les shops qui sont dans l'édifice, qui sont souvent des filatures. Donc, c'est des bobines de fil de ça. Et sa pièce fait partie d'un immense cycle de création chez Patrick Bernatchez qui s'appelle Chrysalide. Donc, on l'a le cocon, là. Et c'est beau en soi. Je crois qu'il y a quelques années, il avait présenté Chrysalide à l'œil de poisson. C'était une installation, il me semble, avec de la vidéo. Oui, mais il y a plusieurs dessins vidéo, installations qui sont vidéo, dont une qu'on a dans notre collection, qui s'appelle I Feel Cold Today, qui sont réunis sous ce grand titre-là de Chrysalide. Bernard Lamarche, peut-être en terminant, le temps file, on parle des Matins fidèles lors du protocole, parallèlement aussi une toute nouvelle exposition au musée qui est celle de Bill Vazan. Oui. Et j'avais envie d'en parler 20e siècle parce qu'il me semble que ça s'inscrit quand même à très très près là, de la thématique des Matins infidèles. C'est une acquisition majeure et récente du musée, donc un cycle de création qui a été fait en 73-75, qui pour la deuxième fois dans l'histoire est montré. Ah ouais? Ça a été montré en 75 et maintenant. Donc là, Bill Vazan, avec un tampon encreur qu'on utilisait à l'époque dans les bibliothèques là, pour marquer la date d'emprunt d'un livre puis sa date de retour. Donc lui a marqué l'ensemble du siècle, c'est-à-dire du 1er janvier 1900, du 20e siècle, du 1er janvier 1900 jusqu'au 31 décembre 1999 sur 10 tableaux de bonne taille, et donc les 10 tableaux sont exposés sur dans une salle en soi, et donc ce qui est fascinant là, c'est qu'on a des champs colorés, ils changent de couleur, c'est magnifique en soi, mais en plus c'est qu'on peut aussi s'amuser à retrouver notre date. Ouais. Et pourtant c'est complètement conceptuel, c'est complètement abstrait à la limite, mais tout le monde peut s'y rattacher, et c'est ça, et ça fonctionne, les gens vont pointer en disant, mais moi je suis là, dans l'étendue du siècle, donc on a du temps transformé en espace, en étendue visuelle, mais où on peut se retrouver. Un temps indifférencié aussi, parce que parmi ce siècle-là, il y a des dates qui sont majeures, mais qui sont au même titre que les autres, le flot. Et ce qui est fascinant, c'est qu'à l'époque, la pièce avait été un peu critiquée parce que c'était pas du conceptualisme pur. Ah ouais? Parce qu'il change de couleur. Il y a des décisions arbitraires, subjectives là-dedans. Et aujourd'hui, c'est précisément pourquoi on la présente dans le cadre de cette exposition-là. C'est l'occasion idéale. Et c'est de toute beauté. C'est gigantesque.

dans les maisons de la culture de la région de Montréal. Et donc, Carole Baillargeon, avec la participation du Centre Materia, donc, ont proposé cette exposition-là qui s'appelle « À toute maille ». Donc, le titre est déjà assez évocateur. Donc, c'est un peu un hommage au tricot, à la technique du tricot, mais en fait, sous toutes ses formes, mais surtout en tant que œuvre d'expression. Donc, pour l'occasion, Carole Baillargeon a fait venir dans le Centre Materia, donc des artistes disons hors Québec. On a une artiste française qui s'appelle Cécile Dachary ou Dakary, je sais pas trop comment prononcer. On a aussi un artiste qui vient d'Ontario et de Nouvelle-Écosse, Doug Guilford, puis une autre artiste qui vient d'Ontario, Janet Morton. Donc ça, c'est le cadre ici à Québec. Puis dans le cadre de Montréal, donc ce sont des artistes de Québec qui se sont déplacés à Montréal. Donc c'était Jacques Sanson, Mylène Michaud, Luce Pelletier, Elga Schlitter, puis le collectif Colifichet. Donc à Québec, à Materia. Donc, ces trois artistes qui ont été sélectionnés par Madame Baillargeon, ben, ce sont des artistes, bien évidemment, de la maille, qui ont trois propositions différentes et trois approches différentes, donc, de cette technique des métiers d'art. D'abord, la première chose qu'on voit lorsqu'on arrive à Materia, c'est surtout la vitrine et, bien évidemment, à l'entrée. Donc, c'est Janet Morton, donc, qui ouvre le bal avec deux propositions différentes sur le tricot. En fait, une première dans la vitrine, donc elle propose trois maisons, trois habitations, donc qui sont recouvertes de tricot et qui sont en équilibre, donc sur d'immenses balles de laine. Okay. Puis à l'intérieur, ce qu'elle nous propose, donc ça serait peut-être la version un peu plus traditionnelle. À la limite, on voit bien la maille, le travail, l'image aussi là, ouais. très conventionnelle du tricot, c'est-à-dire bon la balle de laine, ouais, c'est ça. Et la maille simple. Et à l'intérieur, ben elle nous propose quelque chose d'un petit peu plus actuel. Elle travaille avec un médium différent, donc le ruban magnétique, le ruban cassette. Ah ouais. Une première œuvre donc qui est installée au centre de la galerie, qui présente en fait une espèce de tourbillon, genre de tornade crocheté ou tricoté en fait avec la bande magnétique qui semble être suspendue au-dessus d'un tourne-disque. Et sur le mur, donc près de la boutique Materia, elle propose toujours avec ce même médium, donc le ruban magnétique, le ruban à cassette, donc sont carrément en fait les cassettes, nos anciennes cassettes là, donc qui sont devenues un peu une denrée rare aujourd'hui. Donc ça revient, hein, il y a des artistes qui publient leurs albums sur des cassettes. C'est ça, hein, c'est vintage pourquoi. Donc ça devient nécessairement tendance, mais du moins ici c'était plutôt la matière qui nous intéressait. Donc accroché au mur, donc on a une série de cassettes dont le ruban a été tiré pour être crocheté en présentant différentes figures en fait là, plus ou moins abstraites. Parfois on peut reconnaître, donc parfois d'autres fois c'est plus abstrait en fait comme image. Et autre proposition en fait qui à mon avis était très intéressante, donc vous avez au fond de la galerie l'artiste Cécile Dachary, donc qui nous vient de la France, qui elle a une approche, je dirais, très intime avec le tricot. Avec en fait elle, c'est plus du crochet qu'elle fait. Okay. C'est très intime, et de par peut-être ses propositions, mais aussi les sujets qu'elle propose régulièrement, en fait elle s'inspire beaucoup en fait de l'anatomie du corps humain, parfois même du monde des cellules, des bactéries. Donc elle a quelque chose déjà très près d'un milieu plus intime, plus secret, organique aussi. Effectivement. Donc elle a deux propositions elle aussi qui sont des espèces de murales tapisseries accrochées au mur. Une première en fait qui rappelle facilement en fait comme une peau d'ours. En fait ça s'appelle grande peau qui est étendue à la manière justement d'une peau, une peau animale. Et ce sont comme c'est fait à partir de cordes de boucher. Okay. Qui a été crochetée, et des espèces d'exubérances en fait qui, je veux dire, pendouille en fait, qui retombe sur cette peau là et qui est justement appelle à la texture, appelle beaucoup aussi au côté organique. Et parallèlement, on a une autre proposition qui s'appelle Le ciel est rose, donc qui est beaucoup plus en douceur, en féminité. Le ciel est rose. Ouais. Donc, on a un peu un camaïeu de rose, de variété de tonalités, sur une déclinaison d'un motif qui est répété, qui rappelle un peu... En fait, ce sont des motifs circulaires qui rappellent soit les étoiles, soit les fleurs. Donc, le côté plus céleste. Et effectivement, il y a aussi peut-être une approche... presque, je dirais, à mon avis, spirituel, avec l'idée du mandala, parce que la forme rappelle beaucoup ça aussi. Puis la répétition. Motif, l'état d'esprit dans lequel exactement, ça même si c'est pas nécessairement ce qui nous est directement proposé, mais ça rappelle beaucoup ça, en fait. Puis, donc, dans des tonalités, comme on disait, un peu plus féminines, plus douces, donc c'est ce qui rapproche aussi beaucoup le travail, donc, de Cécile Dachary, justement, de ce côté intime, un peu secret, et comme je disais, qui exploite beaucoup le côté féminin. Faut dire que par tradition aussi, le tricot, le crochet, c'est beaucoup plus associé donc aux femmes, traditionnellement du moins. Et là, c'est ça qui est intéressant avec l'exposition. Carole Baillargeon, autant pour le volet de Québec que le volet de Montréal, insistait pour avoir un homme dans les expositions. Et là, à Québec, elle propose le travail de Doug Gidford, qui est très intéressant, qui nous propose en fait deux types de créations relativement différente, mais qui est toujours avec la thématique du crochet ou du tricot. Une première, donc, qui est plus, disons, deux dimensions, qui est de l'ordre de l'estampe, en fait. Il fait ce qu'on appelle des collographies. Donc, à partir de formes qu'il a lui-même crochetées, il les ancre pour les imprimer par la suite. Donc, ça fait un effet un peu microscopique, comme gros plan. Ça pourrait être un gros plan d'un univers justement cellulaire, là, de la microbiologie ou quelque chose comme ça. Et parallèlement à ça, nous avons en salle donc des formes un peu plus sculpturales qu'il a créées à l'aide d'un microfil de cuivre. En fait, il mélange le microfil avec sa fibre, donc son fil. Qu'il crochète. Donc, ça lui permet d'avoir une structure qui se tient. Et il joue beaucoup avec les effets d'équilibre. Et encore une fois, ça rappelle beaucoup, comme il travaille entre l'Ontario et la Nouvelle-Écosse, donc il s'inspire beaucoup aussi des milieux marins, des milieux de pêche. Ouais. Ça l'inspire. Et on reconnaît facilement, justement, par justement son crochet et la structure de ses formes, le filet de pêche. Mais le filet de pêche qui se transforme en même temps en espèce de robe où à la fois rappelle justement l'univers marin des coraux, des anémones. Donc il y a un langage qui est aussi à la fois très poétique, mais c'est très très structuré de par la technique bien évidemment, mais de par la façon de le présenter également. Juste le fait d'utiliser donc ce fil de cuivre là aussi maintient le tout donc pour se tenir sur place. Donc ça fait qu'il y a un beau jeu justement avec la technique de crochet et le côté un peu plus justement structurant de la sculpture, donc au lieu d'être une sculpture molle telle qu'on les peut le percevoir avec la matière, donc là elle se tient dans l'espace, puis ça propose quelque chose de très beau aussi visuellement, esthétiquement. Donc c'est une exposition que t'as appréciée? Oui, beaucoup. C'est aussi une façon de voir le tricot autrement, le tricot qui est souvent associé donc à des jeux plus utilitaires. Ouais, alors qu'il y a vraiment un renouveau là dans tout l'univers des textiles en ce moment, effectivement, de façon incroyable. Le tricot présentement est disons très tendance. Ouais. Dans les 10 dernières années, on en voit beaucoup. On en voit beaucoup comme des manifestations. Peut-être, on parle beaucoup du yarn bombing. On recouvre des choses à l'extérieur. Ouais. Mais là, de le voir en tant que sculpture, expression donc artistique, donc c'est intéressant de pouvoir le constater, puis voir un peu ce qui se fait aussi en dehors de la région de Québec également. Voilà. Ben Dominique Savoie, merci beaucoup. Merci. Donc l'exposition À toute maille est présentée à Materia jusqu'au 16 décembre. On fait une courte pause d'audio, on écoute Simultaneously. Ou en tout cas, je l'ai mal prononcé, mais on l'écoute pareil. Thank you. Voilà, c'était un extrait de la pièce Simultaneously, je ne sais pas si je l'ai mieux dit, de Rayer, tiré de l'album Membrane. C'est une suggestion de Simon Roy. Cet automne, c'est un peu l'automne Pierre Gauvreau, puisque en même temps, deux expositions lui sont consacrées. Il y a celle au Musée de la Civilisation, dont on aura l'occasion de parler ultérieurement. Mais en attendant, j'ai avec moi Michel Guimond, qui présente une exposition dans sa galerie, l'exposition Pierre Gauvreau, et aussi Correspondance avec Gauvreau. Bonjour. Bonjour. Eh bon, j'imagine vous êtes dit c'est le temps, hein, si on va créer un événement, oui. Là, on va profiter de l'exposition au Musée de la Civilisation pour présenter autre chose de Pierre Gauvreau. Ça nous permet d'approfondir une période de la peinture de Pierre Gauvreau qui est beaucoup moins connue, la période de 76 à sa mort. Il est décédé en 2011. Alors, ce qu'on a voulu présenter, là, c'est un corpus d'œuvres assez imposant, de plus d'une trentaine d'œuvres, très variées, puis de différents formats. À l'intérieur de cette période-là, il y a quand même différentes séquences. Il y a la période de 76 à 79. Il y a les années 80, après ça on a la période des années 90 où il passe de la peinture à bonbonne finalement, ouais. Avec des collages. Alors c'est un ensemble d'œuvres très colorées, très lumineux. Je pense que c'est une exposition très plaisir. En fait, c'est surprenant là, quand on entre à la galerie, moi j'y allais, je n'avais pas vraiment une idée de ce que je verrais, puis oh là là! Les couleurs, les contrastes de couleurs, vous avez parlé de lumière, c'est assez oui. C'est assez stupéfiant. Là, quand c'est même. Assez audacieux aussi. À la fois le mélange des couleurs qui sont assemblées côte à côte, c'est audacieux aussi au niveau des matériaux qui sont utilisés. Des fois, il va utiliser des souplats en papier découpé. Ouais, des dollies. Des dollies qui avaient été données en cadeau par une de ses tantes. Il va utiliser des formes qui peuvent être des clôtures à neige en plastique. Puis il va passer de la bonbonne à travers ça. Puis on retrouve finalement, le résultat est assez intéressant parce que c'est comme un tableau finalement qui a été peint, ouais. Mais avec des moyens autres. Puis ces moyens-là, à partir de, des années 90, c'est qu'il n'y a pas le choix. Il souffre à un moment donné. Il était vieillissant, là, il était vieillissant, il a eu un problème aussi cardiaque. Il peut plus utiliser ses mains pour peindre comme il les utilisait auparavant. Donc, c'est là qu'il sert de la peinture en bonbonne et puis de ces découpages-là. Un peu comme Riopel l'a ben fait ouais, à la fin de sa ça, vie. C'est ça, parce qu'on peut pas s'empêcher de faire le lien aussi là, avec le Riopel de fin de vie, notamment l'hommage à Rosa, oui. Luxembourg avec justement les pochoirs, avec l'aérosol, les compositions, oui. Les superpositions, voilà. Absolument. Ben, c'est deux personnes, c'est deux artistes qui étaient des amis, d'une part, qui avaient sensiblement le même âge et qui ont commencé leur carrière exactement à la même époque. Oui, il faut dire que les deux étaient signataires du Refus Global. Et puis chacun a fait des carrières très, très fortes, là. C'est deux monuments, finalement, de la culture au Québec, chacun à sa façon. Et, voyons. Oui, c'est ça. Dans l'accrochage, il me semblait que vous avez présenté les œuvres de Pierre Gauvreau par période, mais oui. Il me semble pas que c'est un accrochage nécessairement chronologique. Est-ce que je me trompe? Pas complètement chronologique, mais il y a quand même les trois tableaux de 1978 qui sont ensemble. Après ça, on retrouve des tableaux plus des années 90, vers puis il y a un autre mur où c'est les années 2000, où la présence de papier brillant est plus forte. Oui, à l'entrée. À l'entrée, dans la structure des tableaux. Voilà, j'ai retrouvé la question que je l'ai posée. Vous avez dit justement, bon, il y a eu des problèmes de santé qui ont fait qu'il a dû trouver d'autres techniques. Oui. C'est fascinant quand même de voir un artiste de cet âge-là qui doit un peu réinventer. Absolument. Ce qu'il fait, ça doit être très fécond aussi pour lui. Mais c'est une période qui est très féconde. Hein? C'est la période, les 10 dernières années, c'est la période où il y a le plus produit d'œuvres, toute proportion gardée par rapport à ces années-là. Alors donc, il y avait une volonté à tout prix de faire, de créer. Il a toujours dit qu'il était un peintre avant tout. Ouais. Même si Pierre Gauvreau joue un rôle important tant au niveau production, réalisation de TV que d'écriture pour des téléromans. Mais fondamentalement, quand il voulait se décrire, c'était Pierre Gauvreau, le peintre. Ah ouais. Et puis, il tenait à ça. C'est quelque chose d'important pour lui. J'en perds mes idées. En fait, aussi, dans l'exposition, on voit, donc, dans la première partie de la galerie, les œuvres de Pierre Gauvreau. Oui. Mais, dans un deuxième temps, vous avez décidé de présenter les œuvres de Dan Brault et de José Landry-Sirois, ainsi que des œuvres de la conjointe de Pierre Gauvreau, Jeannine Carreau, qui a notamment travaillé sur l'exposition au Musée de la Civilisation. Parmi, bon, José et Dan, qu'est-ce qui vous a amené à présenter leurs œuvres? C'est assez particulier parce que j'avais fait la sélection des œuvres avec Madame Carreau au mois d'août, au début d'août. J'étais allé à Saint-Armand chez elle, j'étais allé après ça à Montréal, et puis j'avais choisi le corpus des œuvres qui est présenté. Et puis à mon retour, c'est plus en revoyant des œuvres de José puis de Dan Brault où je me suis après, dit... Après, vous êtes immergé dans cet univers-là. Puis de savoir ce que je présentais. Je me suis dit, coudonc, il y a des éléments qu'on peut dire qui correspondent. On a appelé ça correspondance. Est-ce que des parallèles. Des parallèles, que ce soit au niveau du geste, que ce soit au niveau de l'accumulation dans le cas de José Landry, de papier bonbon, de papier tout court pour créer une œuvre. Dans le cas de Dan Brault, c'est assez surprenant la correspondance. Et il va utiliser des fois des peintures en spray, il va utiliser surabondance d'éléments, il va utiliser des couleurs très très vives, très très pétantes dans ses tableaux. Alors c'est un peu ça m'a semblé s'imposer. intéressant de présenter des œuvres qui sont très contemporaines à côté des œuvres de Pierre Gauvreau qui sont très contemporaines aussi, même à l'époque. Moi, je maintiens qu'il est toujours une vingtaine d'années en avant du goût ou de la mode. Donc, il y avait une correspondance dans ces langages-là entre ces différents artistes de générations complètement différentes. On peut pas dire que Dan Brault et José connaissent par cœur la production de Gauvreau. Ben non, parce que je pense que Dan Brault ne connaissait pas. Très peu. On connaît le Gauvreau qui est dans les livres d'art, là. Ben ouais. Les œuvres des années 40, 50, 60, mais à peu près pas la production des dernières années. Puis comment ils ont trouvé ça? Ils ont été emballés, autant José que Dan. L'enjeu, c'était de dire, vous créez vos œuvres et vous créez pas une œuvre pour être en correspondance avec Pierre Gauvreau. Ou en hommage. Non, en hommage ou quelque chose comme ça. Vous créez l'œuvre que vous avez le goût de faire au moment présent, et puis on verra en les mettant côte à côte avec les œuvres de Gauvreau. Je pense que le résultat est très probant. Malheureusement, là, c'est la dernière fin de semaine de l'exposition. Les deux œuvres les plus récentes de Dan Brault ont été vendues et sont parties pour Calgary. Alors, c'est heureusement, à tout moins pour Dan. Mais c'est un peu différent parce que c'était deux œuvres qui étaient extraordinaire, une qui était dans les verts lime, une dans les bleus, avec plein d'éléments, et puis c'était sa nouvelle production, sa toute dernière production, puis quand on les voyait côte à côte, ou en parallèle avec des tableaux de Gauvreau. J'ai ouï dire que c'était saisissant, les parallèles à faire. L'effet était extraordinaire, là. Alors, c'est là qu'on voyait le projet au maximum là, de correspondance. Ben, les œuvres qu'il y a là quand même, moi, j'ai pas vu les deux premières œuvres, mais ça fonctionne. Ils fonctionnent. En tout cas, moi, les liens que j'ai faits, c'est surtout avec les œuvres de Gauvreau des années 70, où là, c'est vraiment, ça s'impose. Ça s'impose visuellement. Là, j'imagine qu'il y en a, bien entendu, d'autres à faire. Et voilà, ben, Michel Guimond, je vous remercie. Merci. Puis on invite vos auditeurs à venir voir l'expo d'ici dimanche soir. Voilà, c'est le dimanche le 16 novembre. Exact. Oui, voilà. C'est le dernier week-end. Voilà, c'est ouvert de quoi? De midi à 17h? Ben, tous les jours, de 11h à 17h, sauf le dimanche de midi à 17h. Ah, voilà, donc on gagne une heure pour aller voir l'exposition. Mais Michel Goumont, je vous remercie. Donc merci. C'est le temps d'aller voir Pierre Gauvreau et les correspondances avec Gauvreau. Merci. À la galerie Michel Guimond. On s'en va en pause, on écoute un extrait de la pièce « We'll Meet Again ». Voilà, c'est la fin de cette édition de l'aérospatiale. En terminant, je vous invite le 14 novembre à 13h dans les studios d'Avatar. Il y a présentation du travail de Nathalie Leblanc et de Jonas Sirène. Le jeudi également, vernissage d'Alastair McLennan au lieu. Et vendredi, vernissage à l'établi également, vernissage à vue, notamment de l'exposition de Gwenaëlle Bélanger. Sur ça, je vous laisse en compagnie de Gilles Chaumet, les Fougues d'Amérique. Et j'oubliais, je remercie Jacques Gignac pour son travail à la maison. Non.